إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc le cours de ce soir, Inch'Allah, est tiré d'un livre du grand savant, le Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, un grand savant d'Arabie Saoudite, de la région de Samita, à Jizan, c'est dans le sud de l'Arabie, pas loin de la frontière du Yémen. Il est mort il y a quelques années, à peu près 4 ans à peu près. Rahimahullahu ta'ala. Son livre s'intitule Yawmul Jumu'ah, Sharafuh wa Fadluh wa Makanatuhu fi Shari'ati Islamiyya. Le jour du vendredi. Son mérite, sa vertu et sa place dans la législation islamique. Bien sûr, le livre, il fait près de 200 pages. Nous allons voir que la première partie dans laquelle il parle sur les mérites et les bienfaits de ce jour en tant que jour de la semaine. En tant que jour de la semaine. Puis le Cheikh, après avoir entamé ce grand sujet, il va parler de la prière du vendredi et de ses mérites et de sa manière d'être accomplie. Et qu'est-ce qui est bon de faire? Puis il va aussi parler du discours du vendredi et les recommandations qui doivent être mises en pratique par celui qui prêche le vendredi. Puis, il va donner quelques khutbah en exemple des khutbah des pieux prédécesseurs et des ulama contemporains. Rahimallah al-jami'a. Il dit رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على غيرها من الأنام وخصهم بيوم الجمعة الذي ثبت فضله على سائر الأيام وأمرهم بالمبادرة إلى صلاتها في محكم التنزيل فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Donc il dit, il commence par al-basmala. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Toute la louange appartient à Allah qui a honoré la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur toute autre communauté, sur le restant des humains et des créatures. Et il les a distingués par le jour du vendredi, dont il y a les textes qui nous prouvent son mérite et ses bienfaits par rapport aux autres jours de la semaine. Allah tabaraka wa ta'ala leur a ordonné de s'empresser d'accomplir la prière de ce jour dans son livre sacré. Allah, élevé soit-il, nous dit dans le sens du verset, le verset numéro 9 de la sourate Al-Jumu'ah, le vendredi, dans le sens du verset, « Ô vous qui avez cru, lorsqu'il est fait appel à la prière du jour du vendredi, Salat Al-Jumu'ah, empressez-vous, dépêchez-vous d'aller vers le rappel d'Allah et délaissez toute transaction, tout commerce, toute activité mondaine. Ceci est bien meilleur pour vous si seulement vous le saviez. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala nabiyyina Muhammadin الصادق المصدوق الأمين وصحبه الطاهرين والغر الميامين وآله العاضين على سنته بالنواجذ والمتمسكين بالوحيين حتى أتاهم اليقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Et que la prière, la salat et le salut, le salam complet, parfait, soit sur notre prophète Mohammed, le véridique qui est appuyé et défendu par la vérité qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a révélée et lui a donnée, le digne de confiance, ainsi que sur ses compagnons purs, ceux qui étaient purifiés, et sur sa famille, tous ceux-là qui ont mordu à pleines dents sa sunna avec leurs molaires et qui se sont rattachés, cramponnés aux deux révélations, c'est-à-dire le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont restés ainsi, attachés, cramponnés aux révélations, le Coran et la sunna, jusqu'à que la certitude leur soit venue, c'est-à-dire la mort. Ils sont restés durant toute leur vie, jusqu'au moment de la mort, attachés à la vérité, cramponnés au texte du Coran et de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, et ainsi que sur tous ceux qui les ont suivis convenablement jusqu'au jour dernier. Amma ba'd, après ceci, فإن من فضلهم الله بالعلم ليعلمون ما ليوم الجمعة من المكانة والخصائص والفضائل ما لم يكن لغيره من أيام الأسبوع إذ هو بمدلول النصوص سيدها وخيرها. Ce qu'Allah a honoré, a élevé avec la science, les gens dotés de science, ceux qui sont versés dans la connaissance, ils savent très bien ce qui est donné au jour du vendredi comme place, comme spécificité, comme vertu et mérite qu'aucun autre jour de la semaine n'a pu avoir. Car on comprend cela de ce qui est contenu dans les textes. Et on comprend des textes que le vendredi est bien le maître et le meilleur de tous les autres jours de la semaine. كما ثبت في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. Comme cela a bien été authentifié dans l'authentique de Muslim et dans le Jami' de At-Tirmidhi. Certains savants précisent qu'il est plus correct de dire Jami' au lieu de Sunan pour le recueil de At-Tirmidhi. Et d'autres gardent aussi le nom de As-Sunan. Et dans les Sunan de An-Nasa'i, d'après Abu Huraira, l'honorable compagnon Abu Huraira, Abdurrahman ibn Sakhr, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur jour qui a vu le lever du soleil, c'est le jour du vendredi. En ce jour, Adam, le père de l'humanité, l'ancêtre de l'humanité, il a été créé un vendredi. Il a été entré au paradis un vendredi. Il fut sorti du paradis un vendredi. Et l'heure ne viendra, la fin du monde ne viendra qu'un vendredi. وَهُوَ بِحَقِّ سَيِّدُ الْأَيَّامِ وَأَشْرَفُهَا كَمَا ذَكَرَ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ من حديث عبد الرحمن بن صخر مرفوعا سيد الأيام يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. Donc ce hadith ressemble dans son contenu au précédent hadith. Et donc il est bien en vérité, en toute réalité, le vendredi, le maître des jours de la semaine est le meilleur d'entre eux. Comme cela fut rappelé par l'imam al-Hakim dans son recueil al-Mustadrak. D'après Abdurrahman ibn Sakhr, qui n'est tout autre que Abu Huraira, radiallahu anhu, marfou'an. C'est-à-dire d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit le maître des jours, c'est-à-dire des jours de la semaine, c'est le vendredi. En ce jour fut créé Adam. Il fut entré au paradis. Il en fut sorti. Et l'heure ne sonnera, la fin du monde n'arrivera qu'un vendredi. ما جاء في صحيح ابن حبان مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة وما من دابة إلا وهي تفزع من يوم الجمعة إلا هذين الثقلين الجن والإنس. De même, il a été rapporté dans le Sahih de l'imam Ibn Hibban, rahimahullah, d'après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, le soleil ne se lève et ne se couche pas dans une journée meilleure que la journée du vendredi. Et il n'y a pas un animal qui n'ait pas peur et qui n'ait pas la crainte du jour du vendredi. Sauf, il n'y a pas une espèce qui craint ce jour du vendredi, si ce n'est ces deux-là qui sont les djinns et les humains. C'est les deux qui sont insouciants et qui ne prêtent pas attention au jour du vendredi. À part l'homme et le djinn, toutes les créatures ont la crainte lorsque vient le jour du vendredi. Parce qu'ils savent tous que c'est en ce jour que la fin du monde va arriver. Donc ils ne savent pas lequel vendredi. Et les seuls qui sont insouciants du jour du vendredi et qui ne prêtent pas attention, ce sont les humains et les djinns. وكم من حديث صح متنه وعلى سنده قد جاء في فضل هذا اليوم الذي أكرم الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله من خصائصها على سائر الأمم. Et combien il y a de hadiths authentiques avec une chaîne de narration allant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui contiennent les mérites, les vertus de ce jour qu'Allah a honoré avec la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il en a fait un des points distinctifs de cette communauté sur toute autre communauté. كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض الله فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. Il a été authentifié dans les deux authentiques, dans les sahih de Bukhari et de Muslim, et dans d'autres recueils, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit nous sommes les derniers, c'est-à-dire dans ce bas monde, nous sommes la dernière communauté à arriver. Les autres communautés des autres prophètes sont passées avant. Car le prophète Mohammed, c'est le dernier des prophètes. De ce fait, sa communauté, c'est la dernière des communautés. Mais nous serons les premiers dans l'au-delà. On était les derniers chronologiquement sur terre, mais dans l'au-delà, on est les premiers, ceux qui vont devancer le jour dernier. Bien que eux, les autres communautés, ont reçu le livre avant nous. Et c'est leur jour qu'Allah a ordonné d'honorer. Et qui est le jour de fête de la semaine. Mais ils ont divergé là-dessus. Ils se sont perdus. Ils se sont égarés sur ce jour. Allah nous a guidés vers le véritable jour qui est le maître et le meilleur jour de la semaine. Et les gens en sont arrivés du fait qu'ils ont divergé, ils se sont éloignés et se sont égarés du véritable jour de la semaine qui a ce mérite. Ils s'en sont arrivés à nous suivre, à être après nous. Les juifs, c'est le lendemain, et les chrétiens, c'est après-demain. Donc, nous, c'est le vendredi et c'est le véritable jour qu'il faut lui donner cette place. Et les juifs, eux, ils en sont arrivés à dire que c'est le samedi, donc c'est leur jour de la semaine. Et les chrétiens, c'est le jour d'après, c'est le dimanche. وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمِ وَسُنَنِ النَّسَائِي عن أبي هريرة وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فَهَدَانَ لِيَوْمِ الْجُمُعَ. De même, il a été authentifié dans le Sahih, l'authentique de Muslim, et les Sunan de Nasa'i, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, et Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, qui ont dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Allah a égaré, a fait dévier du jour du vendredi ceux d'avant nous, les peuples, les communautés d'avant nous. Alors les juifs ont pris le samedi Et les chrétiens ont pris le dimanche. Et Allah tabaraka wa ta'ala, nous, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a guidés vers ce jour qui est le vendredi. Kama akram Allah ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bil thawab al kathir ala al amal al qalil fi hadha al yawm. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala a honoré la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par de grandes et d'énormes récompenses pour des œuvres minimes et petites et accomplies en petite quantité pour ce jour. On fait peu et on gagne de grandes récompenses, un don et un honneur d'Allah tabaraka wa ta'ala pour la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فقد روى أصحاب السنن من حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها وهو حديث حسن وإسناده صحيح. Les quatre imams, Abu Dawood, Al-Tirmidhi, Al-Nasai, Ibn Majah, qui ont les recueils qu'on appelle les Sunan. Et donc, parfois, pour dire que les quatre ont rapporté, on dit Ashab al-Sunan. D'accord ? D'après Aws ibn Aws al-Thaqafi, radiallahu anhu, qui dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, celui qui a ghassal, et certains ulama disent qu'il n'y a pas de shadda, on dit ghassal. Donc il y a ces deux lectures, avec le shadda et sans le shadda. Et il y a différentes explications. Irdassal, il a fait le lavage du corps. Rassal ou rassal, ils l'ont expliqué de différentes manières. Certains ont dit que c'est celui qui a eu des rapports avec son épouse le matin du vendredi. Aussi, qu'il a lavé sa tête, ses cheveux. Il a bien lavé ses cheveux. Et qui s'est douché, qui a fait le rousseau le jour du vendredi, et qui s'est présenté à la mosquée tôt le matin, aux premières heures de la matinée, et qui a assisté dès le début de la prise de parole du khatib du Jumu'ah, Bakkara wa Btakara, et qui est parti pour la prière du vendredi à pied, sans prendre de monture. Il a fait le trajet à pied. Parce qu'à la base, les gens prient dans les mosquées de leur quartier. Hein? Les mosquées de leur village, de leur ville. D'accord ? À la base, normalement, en temps normal, une personne doit prier dans la première mosquée qui est à côté de lui. Les gens ne vont pas aller de telle mosquée à telle mosquée. Sinon, une mosquée va se vider pour une autre. Donc à la base, s'il n'y a pas une raison valable religieusement, chacun doit prier normalement dans les mosquées qui sont à côté. Et de ce fait, il n'y a aucun problème à y aller à pied, subhanallah. Il n'y a aucun problème. Même au plus loin, dans les pays musulmans, au plus loin, elle va être à combien la mosquée ? 1 kilomètre, au plus loin. Alhamdulillah, il y a des mosquées. Donc il n'y a pas de problème. De même, un autre point, vous verrez dans des hadiths, il dit celui qui s'est purifié chez lui, puis est allé à la mosquée, d'accord, pour chaque pas qu'il aura fait, les récompenses qu'il y a. Eh bien, souvent, il est parlé de la personne, elle se purifie chez lui. Il y a des gens, ils ont cette mauvaise habitude, je ne sais pas si c'est pour faire des économies d'eau, mais ils viennent pour faire l'eau dans la mosquée. il y a des récompenses, le fait de le faire de chez toi et de sortir purifié, subhanallah. Prends ça en compte. Maintenant, celui qui a perdu ses ablutions, celui qui a eu besoin d'aller aux toilettes, celui qui n'était pas chez lui et s'arrêtait à une mosquée, bon. Mais quand quelqu'un est chez lui, sort de chez lui, qu'il prenne cette habitude de sortir de chez lui purifié. Et c'est bien précisé, hein, ce point-là, dans certains hadiths du prophète, alayhi salatu wa salam. L'essentiel. On revient au hadith. Et qui a marché pour aller à la mosquée sans prendre de monture. Et qui s'est approché de l'imam. Qui était au plus près de l'imam. Et qui a écouté le discours sans être distrait. Lam yamrou, c'est-à-dire qu'il n'a pas prononcé de parole pendant la khutbah. De même, il n'a pas fait de geste. Ni de geste. Et dans un hadith, il est dit que celui qui a touché la pierre a été distrait. Et celui qui a été distrait n'a pas de vendredi. Voilà. Man massa al-hasa, dans le hadith, faqad laha. Wa man laha, fala jumu'ata lahu. Donc il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il faut une concentration. Jusqu'à même, dans le hadith, dans un hadith, il est dit, idha qulta li sahibika ansit, de ne même pas lui dire tais-toi, alors que là tu interdis un mal. Le fait que quelqu'un ait parlé pendant la khutbah, le fait de lui dire tais-toi, tu as été distrait. C'est un moment précis où il faut être concentré pour y gagner toutes ses récompenses. Celui qui a fait tout cela, pour chaque pas accompli, pour chaque pas qu'il aura fait en allant à la mosquée, pour chaque pas, regardez bien la récompense qu'il a. Il a la récompense des actions, des bonnes actions de toute une année. De toute une année avec les prières de la nuit et le jeûne du jour. Vous imaginez la valeur. Pour chaque pas entrepris, il a cette récompense-là de toute une année. Une année qui comporte quoi? Les prières de la nuit et les jeûnes de ses jours. وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الْفَضْلِ. Semblable à cela dans le mérite. مَا جَاءَ فِي الصَّحِحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه وقال بيده يقللها. Ce qui est rapporté dans les deux sahih, dans les deux authentiques de Bukhari et Muslim, et dans d'autres recueils, toujours d'après Abu Huraira, radiallahu anh, qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il y a une heure, un moment, dans la journée du vendredi, il n'y a pas un musulman qui est en prière, c'est-à-dire pas obligatoirement qu'il soit en train d'accomplir une prière. Il attend la prière. Et celui qui attend la prière, il est en prière. Subhanallah. Celui qui accomplit une prière, il reste, il se rappelle d'Allah. En attendant l'autre prière, il est considéré comme étant en prière. Donc, cette personne-là, pendant ce moment-là, du vendredi, il demande une chose à Allah sans qu'Allah ne lui donne. Allah lui donne sa demande. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré par sa main, il a fait signe que c'est un moment qui est court. Wa qala bi yadihi yuqalliluha. Ici, qala, c'est le geste qui est voulu. Qala, à la base, c'est la parole, c'est dire. Mais ici, qala bi yadihi, hein, il a dit avec sa main, si on traduit littéralement, c'est-à-dire qu'il a fait un geste avec sa main. Il a fait une action avec sa main pour dire que c'est un moment qui est court. C'est un laps de temps qui est court. وفي رواية عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر. Et dans la version de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, dans son musnad, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a certes dans la journée du vendredi un moment, un horaire, une heure, il n'y a pas un serviteur musulman qui demande à Allah tabaraka wa ta'ala, qui invoque Allah azza wa jal durant ce moment-là, il demande un bien quelconque sans qu'Allah ne lui donne. Et elle est après Al-Asr. Là, il y a une précision. Dans ce hadith-là, il y a une précision que cet horaire-là, il est après Al-Asr. Et ça, c'est un des arguments qu'emploient les ulama qui voient et qui ont pour opinion que l'heure propice pour invoquer Allah Azza wa Jal le vendredi, c'est entre Al-Asr et le Maghrib. Et le meilleur, c'est à la fin de l'Asr, un peu avant le Maghrib, parce que c'est la fin de la journée. Le vendredi s'en va, nous quitte, parce qu'à partir de le Maghrib, on va rentrer dans le jour suivant qui est le samedi. D'accord ? Et le changement de jour en islam, dans la religion, il se fait au Maghrib. D'accord ? À partir de le Maghrib, on change de jour. Là, lorsque le Maghrib va rentrer aujourd'hui, on est mardi. On est mardi. À l'heure de le Maghrib, on sera mercredi. D'accord ? C'est la veille. وَمِنْ فَضَائِلِهِ أَيْضًا Et aussi parmi ses mérites de la journée du vendredi. أَنَّهُ تُكَفَّرُ فِيهِ السَّيِّئَاتِ C'est qu'il y a dans ce jour l'expiation, l'effacement des fautes et des péchés. Bien sûr, dans les hadiths, dans les textes religieux dans lesquels il est question de l'effacement des péchés par des bonnes œuvres, il est voulu par là, comme les ulama le précisent bien, et comme c'est bien précisé dans certains hadiths, qu'il est voulu les petits péchés, qui sont innombrables, qu'on en commet, on les commet volontairement, involontairement, ces petits péchés. Allah tabaraka wa ta'ala, de par sa bonté, et c'est un honneur qu'il fait et un don à la communauté, c'est qu'il les efface par les bonnes œuvres. Ils sont expiés par les bonnes œuvres. Mais les grands péchés n'entrent pas dedans. Car les grands péchés, pour se les faire pardonner, il faut en faire la demande à Allah Azza wa Jal. Précisément. Se repentir et revenir à Allah pour lui demander pardon sur ces grands péchés. أنه تكفر فيه السيئات لما ثبت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري. D'après l'honorable compagnon Salman al-Farisi رضي الله عنه qui dit le prophète صلى الله عليه وسلم a dit il n'y a pas un homme qui se purifie, qui se lave le jour du vendredi, qui se purifie comme il le peut, et qui entretient son corps, et qui se parfume. Puis il sort pour aller à la mosquée, pour la prière du vendredi. Et en entrant dans la salle de prière, il ne sépare pas entre deux personnes, il ne gêne pas les gens. Il s'assoit là où il y a de la place. Il ne vient pas faire une quelconque nuisance aux gens. Mais faire attention. Dans le hadith, c'est précisé. La yufarriqu bayna ithnayn. Il ne sépare pas entre deux personnes. S'il y a de la place, tu peux prendre. S'il n'y a pas de place, tu n'as pas à pousser celui-là. Il y a poussé celui-là pour venir entre les deux. Là, tu fais du mal aux gens. Et il y en a qui le font, subhanallah. C'est grave. La personne, elle vient le dernier, il veut être le premier. Subhanallah. Des gens sont venus 5 heures avant toi et tu veux prendre leur place. Et après, il va te dire quoi ? Les mérites du premier rang. Si tu savais le mérite du premier rang, tu aurais fait en sorte de venir au moment où le rang était vide. Et tu viens le dernier. On ne joue pas avec les textes religieux. On ne se moque pas des gens. La religion, ce n'est pas un jeu. C'est du sérieux, subhanallah. Allah, rien ne lui échappe du contenu des cœurs et des poitrines des gens. Donc il ne faut pas faire du mal à quiconque. Et surtout, dans la demeure d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Puis, il prie ce qu'Allah lui a permis de prier. C'est-à-dire, il arrive, ce n'est pas encore la khutbah. Ce n'est pas encore le discours. Il est en avance. Qu'est-ce qu'il fait en attente ? Il fait des prières. Il n'y a pas de monde. Il prie ce qu'Allah lui a permis. Deux rak'at, deux rak'at, deux rak'at, deux rak'at, deux rak'at, jusqu'à ce que l'imam il monte sur le minbar. Et ça, c'est parmi les sunnahs qui sont délaissés. Des fois, les gens sont là, on les voit, c'est comme s'ils disaient « je ne sais pas quoi faire ». N'est-ce pas ? Je ne sais pas quoi faire. Tu peux lire le Coran, tu peux lire la sourate Al-Kahf, la caverne, si tu ne l'avais pas fait auparavant. Tu peux faire des rappels du matin si tu ne les as pas fait. Tout le matin, tu fais du dhikr, tu évoques Allah Azza wa Jal, tu glorifies Allah Tabaraka wa Ta'ala, tu fais des du'as, tu lis le Coran, tu demandes le pardon à Allah Azza wa Jal, tu fais des prières. Remplis ce moment, c'est un moment propice. Remplis-le par ce qui t'est profitable et bénéfique. Pour la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Voilà ce qui est demandé. Et parmi les œuvres, c'est d'accomplir les deux rak'at sur deux rak'at, après deux rak'at, jusqu'à que l'imam, il monte sur le minbar. Ah, de rester comme ça contre le mur, à regarder à droite, à gauche, à laisser Shaitan venir te remplir ta cervelle par je ne sais quoi, hein, ton cœur par je ne sais quoi, à regarder les gens ou à parler pour des choses qui sont futiles, si ce n'est pas des choses qui sont interdites. Enfin, attention. Après, les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils ont délaissé des sunnahs. La sunnah a été délaissée. Soit par ignorance ou autre. Ils veulent des bid'ahs, des innovations. Donc, ils veulent quoi ? Ils veulent que quelqu'un les occupe. Donc, ils veulent que quelqu'un fasse un discours avant le vendredi. Ils veulent que quelqu'un lise le Coran et tout le monde l'écoute avant le vendredi. Et ça, on le retrouve dans certains endroits et dans certains pays. Et tout ceci est contraire à la sunnah. Le prophète, sallallahu pendant des années, il a accompli le vendredi. Et les compagnons de son vivant, et après sa mort, alayhi salatu wassalam, à l'époque des quatre califes bien guidés, et des autres compagnons, et à l'époque des tabi'is, ces actions-là n'étaient pas connues. Les gens appliquaient la sunnah. Et il y a suffisance dans la sunnah. Il n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose. D'abord, là où les gens croient se rapprocher d'Allah, ils ne feront que s'éloigner d'Allah Azza wa Jal. Jamais on ne se rapproche d'Allah par des innovations. Jamais on ne se rapproche d'Allah par une action qui n'a pas légiféré. Il faut accomplir ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Une adoration qui n'a pas été accomplie par les compagnons, elle n'est pas à accomplir. S'il y avait un bien dedans, wallahi, ils avaient bien plus d'engouement. Et ils étaient bien plus dans la concurrence, dans les bonnes œuvres, que tous ceux qui viennent après eux. Le problème, c'est quand quelqu'un croit qu'il les a précédés. Donc, il faut appliquer la sunnah. Et quand tu vas appliquer la sunnah, tu verras, tu seras occupé par des bonnes œuvres, loin de ces choses-là. Et après, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils croient que la bid'ah, c'est la sunnah. Et ils font des reproches à ceux qui appliquent la sunnah. Et c'est là où on voit les choses complètement à l'envers. l'histoire du verre qui est retourné. Dans le hadith, c'est précisé. Le verre qui est retourné. Ça, c'est quand les cœurs deviennent deux cœurs. L'un qui est blanc, pur, propre, aucune fitna ne pourra nous nuire. Et l'autre qui est complètement sombre et noir, à cause de quoi ? Des fitnas qui ont été acceptées et absorbées par ce cœur. Jusqu'à que ces points en sont arrivés à remplir le cœur, et le cœur ne sait même plus différencier entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, et il n'acceptera de vérité que ce qui est en conformité avec sa passion. Ce n'est pas parce que c'est une vérité, c'est parce que ça concorde avec sa passion seulement. Et celui-là ressemble à quoi ? À un verre qui est retourné, qu'on ne pourra jamais remplir d'eau puisqu'il est à l'envers. Donc il faut faire attention. Puis, il écoute avec concentration la khutba lorsque l'imam prend la parole. Celui qui a accompli tous ces points qu'on vient de citer, les péchés commis entre les deux vendredis lui sont pardonnés, lui sont effacés. Le hadith rapporté par Al-Bukhari. Wa min fada'ilihi aydan أن الوفاة يوم الجمعة أو ليلته من علامات حسن الخاتمة. Parmi les mérites, les vertus du vendredi, il y a que la mort qui vient à prendre une personne le jour du vendredi ou la nuit du vendredi fait partie des signes de la bonne fin. C'est un bon signe. Donc, quelqu'un qui meurt dans la journée du vendredi et la nuit du vendredi, ce qu'on appelle nous le jeudi soir. Le jeudi soir, après le maghrib, on est la veille, c'est la nuit, c'est la nuit du vendredi. حيثو يأمن المتوفى فيه أو في ليلته من فتنة القبر. De sorte que celui qui vient mourir un vendredi ou la nuit du vendredi, il est à l'abri, il est préservé des troubles de la tombe, des épreuves de la tombe. Les hadiths d'Abdullah ibn Amr رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. Dans le hadith d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As رضي الله عنهما qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un musulman qui meurt le jour du vendredi ou la nuit du vendredi sans qu'Allah ne l'épargne de l'épreuve et des troubles de la tombe. Rapporté par Ahmed et At-Tirmidhi et authentifié par l'Albani. Kama من فضائله وخصائصه أنه عيد متكرر في الأسبوع. Et aussi, de même, parmi ses mérites et ses vertus et ses spécificités du jour du vendredi, c'est que c'est une fête qui se répète dans la semaine, c'est-à-dire hebdomadaire. كما في سنن ابن ماجه من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وهو عند الله أعظم من يوم الأضحى ويوم الفطر فيه خمس خلال خلق الله فيه آدم وأهبط فيه إلى الأرض وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئاً إلا أعطاه ما لم يسأل حراماً، وفيه تقوم الساعة، وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. On retrouve dans les Sunan d'Ibn Majah, d'après Abu Lubabah, Ibn Abd al-Munzir, radiallahu anhu, qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il y a, certes, le jour du vendredi et le maître des jours de la semaine et le plus magnifique de ses jours auprès d'Allah et le plus grand parmi ses jours auprès d'Allah. Il est auprès d'Allah le jour du vendredi bien plus grand et meilleur que les deux Eid, que Eid al-Adha et Eid al-Fitr, que les jours de l'Eid al-Adha, du sacrifice, et du Eid de l'Fitr, de la rupture du jeûne. Il y a 5 points concernant ce jour du vendredi. En ce jour, Adam a été créé. En ce jour, c'est-à-dire dans un vendredi, il a été descendu du paradis vers la terre. En ce jour, Allah prit l'âme de Adam. Il mourut un vendredi. Et il y a une heure, un moment, un horaire dans le vendredi. Il n'y a pas un serviteur qui demande à Allah Azza wa Jal une chose sans qu'Allah ne lui donne, tant que sa demande ne contient pas de l'interdit. Et en ce jour, l'heure viendra sonner. Ce sera la fin du monde, un vendredi. Et il n'y a pas un ange rapproché, ni un ciel, ni une terre, ni un vent, ni des montagnes, ni des arbres, sans qu'il n'ait la crainte et la peur du jour du vendredi. Toutes ces créatures ont peur du vendredi parce qu'ils savent que c'est un vendredi que viendra la fin du monde et que l'heure va sonner. هذه أيها الإخوة الكرام بعض خصائص يوم الجمعة وفضائله التي يحرزها المسلمون الذين يسعون إلى صلاة الجمعة. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala il dit, voici donc, ô vous mes honorables frères, certaines parmi les caractères spécifiques du jour du vendredi, ces mérites et vertus qu'ont gagné les musulmans qui s'empressent d'aller à la prière du vendredi. Voilà, il faut retenir tous ces points lorsqu'on va à la prière du vendredi, en ce jour. La place qu'a ce jour en islam, la place qu'a ce jour auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Al-mutamayyiza bitaqaddumi khutbatayn. Et cette prière, elle se distingue. Elle se différencie des autres prières car elle est précédée par deux discours. Yalihima rak'atan, suivi d'une prière contenant deux unités de prière. Yajharul imam fihima bil qira'a, dans lesquelles l'imam va prier, réciter à voix haute. وهو كما أسلفت من خصائص هذه الأمة. Et le cheikh va continuer rahimahullah en disant, et comme j'ai dit précédemment, ceci fait partie des points spécifiques à cette communauté. وهو عيد متكرر في كل أسبوع رحمة بأهل الإيمان الذين يسارعون إلى الخيرات وهم لها سابقون وفي الأعمال الصالحة دوما يتنافسون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Et c'est une fête qui se répète tous les 7 jours une fête hebdomadaire qui est une clémence pour les gens de la foi qui s'empressent vers les bonnes actions et qui se concurrencent dedans dans les bonnes œuvres. Perpétuellement, ils y vont dans la concurrence. Voilà ceux qui sont sur une guidée de leur Seigneur et voilà ceux qui vont réussir et gagner. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.